rouler à 130 au lieu de 120 km/h augmente la distance parcourue pendant le temps de réaction? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pendant le freinage? Oui, réponse C. Non, réponse D.